D'après la radio sud-coréenne MBC, des victimes de l'esclavage sexuel habitant divers pays du monde ont tenu le 5 courant un meeting à Tokyo contre l'impudence des autorités japonaises sous les auspices de l'Action nationale pour le problème des femmes de réconfort au service de l'armée japonaise, organisation civile japonaise. Y ont participé les victimes résidant en Corée du Sud, en Indonésie, à Timor oriental, aux Philippines. Elles ont dénoncé les crimes de l'esclavage sexuel commis dans le passé par le Japon et exigé les excuses et indemnisations.